C'est la merde, elle vise l'aperçu d'en bas. C'est pire qu'à la fenêtre, mes rêves s'y fument, j'entame. C'est revers sur l'instru qui lui m'a répondu. Travaille, pardon ta vibe, tu sais rien n'est perdu sur l'air du pas question qu'on se menote. Voir loin frère, je précise, c'est pas pour les cosmonautes. Qu'est-ce que tu veux, pourquoi nous dans ce bas monde on se démonte constamment? C'est plus le genre de truc qu'on se demande. Hey, j'en ai rien à battre d'être dans la légende, d'être une star aux yeux des gens, impressionner les jeunes. C'est pas le but de mon séjour ni ce qui m'oriente travers le vrai. D'une vie qui vole vers bête, bien plus qu'un revolver, mec. Dans ma barre cupide, contrôle la terre, tu tives les torts, comprime nos frères. Nous pille chaque jour, comment tu veux que je donne de l'importance à ces gens-là? Je préfère encore mon kleps, sans déconner. J'ai qu'une âme de plus qui gère. S'inquiète au clair de lune, le monde s'inquiète, j'en parle ému. Le cœur brisé, je suis parvenu intact. Je fais ce point d'en oublier l'impact. C'est là que ma vie commence et pourtant j'ai l'impression d'être ni du bled ni de la France, rejeté dans tous les sens. J'ai souvent cette envie de prendre de l'essence pour tout cramer, un flingue pour dévoyer sur toute la populace. Mais c'est comme baisser les bras, je préfère continuer le combat avec mes potes, on peut rail, bip bip, hurrah. Y arrivera que celui qui ne dort pas. On m'élise, toi d'un jour tu découvriras, j'ai l'espoir et ça tu le verras. RMZ, Z, je reste zen, zen, sache que personne nous aide, Z. Un stylo pour démarrer les grecs, Z, Z qui sommeille en moi. J'y crois, j'ai la foi, je vais tout droit sans marrer. T, je viens en pied, T sur ton rein. T, je veux une part du marché. Je ferai toujours en sorte fournir du rap élégant et les gars, le vrai combat c'est le thème de la compil. On se manifeste, rap de test, augmente le volume dans ta caisse. Un son de rue pour y prendre du plaisir, même si des fois c'est rude, le rap c'est mon domaine. Mais puisqu'on nous domine, nous on baisse pas les bras. C'est un pour la compil, deux pour tous mes gars mis en route de la machine. Plus rien nous arrêtera, qui dit que ça marchera? Si la chance vous est donnée, crois-moi on y arrivera. On se verra dans 10 ans si j'ai échoué ou réalisé mon rêve. Hein. Sache qu'une victoire se mérite seulement si tu travailles, non pas en ton el-hit, non pas en ton el-hit. Sens au courant de la mouvance, j'amène mon grain de sel, je m'élance dans ce merdier universel. Selon le climat qui nous éprouve, irrationnel, un moral à toute épreuve. Garde ma feuille de route, le ciel pour guider mes pas. Sans doute, j'ai cette grosse boule à l'estomac, mec. Et comme on dit, je garde la foi, inshallah, mec. On la visitera, lui seul, on adorera. Avant le passage dans l'au-delà, même si parfois je sombre, songe à me casser de là, distrait par le mensonge. Je me laisserai pas abattre tant qu'il y a des cartes à battre, tant qu'il y a du carburant, je me laisserai pas rabattre. Avis au concurrent. Mon blason, je suis venu redoré. C'est l'enfant de l'île de Gorée. Mes ancêtres, je me devais d'honorer. De ma rue, de ma rue. 9-4 Créteil, on y go. Rien à regretter, Bambino. C'est le son du ghetto. Show, ambiance suspecte. Sans Eyo, on lâche pas le steak. Viseyo, les enfants du ghetto. Say yo.